L'église Source Féconde vous invite à un événement dénommé l'Icacitador. Avec les adorateurs, le frère Alkambumba, le frère Jared Mpongo, la sœur Gloria Mulangu et le prophète Ezekiel Sankika comme orateur. Comme hôte de la manifestation, le couple du révérend pasteur Désiré Mbaye. Viens vivre ce que Dieu a réservé pour ta vie. L'Icacitador, le ciel répondra. Deux jours d'intense prière, louange et adoration, ainsi que des paroles. L'Icacitador 7e édition annonce déjà ses couleurs. Un grand événement organise l'église Source Féconde qui vous invite d'ailleurs de prendre part. Venez donc expérimenter la puissance de la parole des dieux avec le couple Désiré Mbaye, hôte de la manifestation. Ce n'est pas tout. Le prophète Ezekiel Sankika, le frère Jared Mpongo, le frère Alkambumba ainsi que la sœur Gloria seront présents pour la gloire des dieux. Attention, c'est du 30 au 31 août de l'année en cours à l'esplanade de la gare SNCC dans la commune et ville de Licas. Venez donc avec vos multiples problèmes car la solution se trouve à l'Icacitador. Bienvenue à tous et que Dieu bénisse. Il est 19h sur vos postes téléviseurs, messieurs et dames, heure pour nous de vous informer sur Par cette vidéo, je viens vous inviter à prendre part à une très grande manifestation qu'organise l'église Source Féconde de l'Icaci, dénommée l'Icacitador, en sa 7e édition, avec comme intervenant le frère Alkambumba, le frère Jared Pongo, ainsi que la sœur Gloria Mulangu, qui seront d'ailleurs adorateurs, et comme orateur, le prophète Ezekiel Sankinka, et couple pasteur Désiré Mbaye Mukoje, qui est hôte de la manifestation. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, que l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs d'adorer le Père en esprit et en vérité. Si tu es un vrai adorateur, viens avec moi du 30 au 31 août 2025 à partir de 16h à la place de la gare SNCC et nous allons ensemble à le Seigneur. Surtout, ne rate pas les détails juste après. Et si l'Icaci devenait un hôtel d'adoration? Attendi yo kolo, olongo la gasoni na tondi yo papa e, amen amen. Attendi yo kolo, Yesu e. Alleluia, na tondi yo kolo, amen amen. Oh yeli se kwa nanga, yelo ima yeli se kwa nanga, amen amen. Attendi yo kolo, Yesu e. Yesu elonga nanga kumisama yonde elonga nanga papa e. Yesu elonga nanga kumisama yonde elonga nanga papa e. Yesu libanga nanga kumisama yonde elonga nanga papa e. Yesu libanga nanga kumisama. Logotana liziba Yesu alole na bwaka kiyango na kunima kola takwe yo yo yo yo. Yesu libanga na makumisama yonde longa na mapapae. Libanga na logotana liziba Yesu alole tangwe koki bayeba yonde zambe. Yesu libanga na makumisama yonde longa na mapapae. Bwaka bwaka bwaka bwaka libanga bwaka bwaka lisusu bwaka baloyo eko simba bwakisa seve bwaka baloyo eko ratete. Yesu libanga nanga saba ote tangwe koki bayeba yonde zambe. Yesu libanga nanga kumisama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwea na konyatama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwea na konyatama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwea na konyatama Simbanga na loboko Yesu Soki otiki ngai na kokwea na konyatama Simba zimba nanga banguna baleke yoyo Soki otiki ngai to kokwea na konyatama Simbanga na loboko Yesu Yesu mwana nzamba ye bo Moizela Yesu mwana nzamba ye lelo bo Moizela Mwana nzamba ye lelo kolela nyonso sili Yesu mwana nzambe Tomala Bigisa Tomala Bigisa Tomala Nagata Tomala Bigisa Tomala Bigisa Tomala Nagata Est-ce que tu vas pousser le cri de joie Shota baraka shota Shota Noche Whoa Arriva! Chota baraka chota! Chota baraka chota! Chota baraka chota! Chota baraka chota! Chota baraka chota! Bloque! Wow! Wapi mololo! Pika mikono ya bia! Esko naweza kupika tena mikono jote kufia Mungu. Papa motard, est-ce que tu naweza kupika mikono? Justement, juste avec le motard, est-ce que tu naweza kupika mikono? Mikono yeno tushiki, est-ce que tu naweza kupika mikono nguvu? Église de Dieu, est-ce que tu naweza kupika mikono nguvu? Alors, tu n'endelez pas dans le programme hier, tu ne prends pas louange. Alors, à présent, tu n'as pas endelez dans la louange, tu n'as pas loué mon goût dans l'équipe moi et bien sans. Il est équipe mina pendaka sans. Wakati nous ne baon a bené l'ipachate na ngufu, ya kwendele chate na kuloué mon goût, papa Eric. Tellement l'équipe ya bien, wakati mune angaria, il n'y pachate na ngufu, ya kwendele atena kuloué mon goût. Ya kumongo pate na mon goût. Ya kumongo pate na mon goût. Wakati équipe ya ekodi miku na panda. Tu as chorégraphie pendant quelques minutes seulement. Tu kuna pika tena mikono. Tu ya tukufu ya Mungu. Est-ce que nous pouvons les encourager pendant que bego na Karibia, tu na pika tena mikono. Mama pika tu mikono ya bien ni batoto. Papa pika tu mikono ya bien ni batoto yetu. Nabikelekele na bio biku para bia bien. Tu vas encourager batoto etu. Nous pouvons encore une fois manifester la joie. Okay. On encourage les enfants. Tu vas piquer comme icône, Dieu a pu encourager. Si devenait un hôtel d'adoration, et si deux jours suffisaient pour faire descendre la gloire du Seigneur, le rendez-vous est donc pris à partir des 15h à la place de la gare SNCC Likasi. L'église Source Féconde vous invite à un événement dénommé Likasi T'adore. Avec les adorateurs,

pour la gloire de notre Dieu. Alléluia! Amen. Alléluia! Likasi, alléluia! Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, amen. Amen. Batoto bana musifu Mungu na madance. Est-ce que sisi pia tunaweza kumusifu Mungu na mikono na bikelekele tumupikie Mungu? Pendant ce temps, tunaita canon vocal. Nabo batamusifu Mungu avec un cantique de louange. Tukone ba encourager tena na mikono pendant que beko na panda pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Pika ko tumikono ya bien. Mikono tu ya bien inashikiri kaka. Pika tu mikono ya bien. Père, encore acclamer pour l'amour de Dieu ce soir. Alléluia. Yeso combien? Utachese akomungu mangaribia leo. Likasi t'adore. Septième édition. Alléluia. Yeso combien? Zambe to zabana na yo Zambe to bele lio Zambe to zabana na yo Hey Zambe to bele lio Yesu Zambe to zabana na likasi tado to bele lio Yesu Yonde papa na biso Yesu Unazi kubushe pepe Samayazo, Yesu eko bien, alléluia. Zambe, tobele lio Yesu, to sangani to yeko yembela, yembela Yesu, na likasita do to yeko yembela Yesu. Parce que yon de perna biso yeso yeso Zambe to bele lio Zambe to zabana na yo Hey Zambe Zambe to bele lio yeso Zambe to zabana Nalika zita do to yeko yembela yeso yo Aleluya, aleluya yeso yo Amususu balobi yeso Ale bouge Ukishimambe yulu Shimambe yako yulu njua sifa ya Mungu Leo Mungu yako hapo, aleluya Amususu balobi yeso Amususu balobi yeso Amususu balobi yeso yo Oh, sikoyo Yesu Bamususu balobi Orateur, le prophète Ezekiel Sankinka et coupleur, le pasteur Désiré Mbaimukoje qui est hôte de la manifestation. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 20. Il est 19h sur vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Heure pour nous de vous informer sur Par cette vidéo, je viens vous inviter à prendre part à une très grande manifestation qu'organise l'église Source Féconde Likasi, dénommée Likasi Tador, en sa 7e édition, avec comme intervenant le frère Alkambumba, le frère Jared Pongo, ainsi que la sœur Gloria Moulangou, qui seront d'ailleurs adorateurs, et comme orateur, le prophète Ezekiel Sankinka, et couple pasteur Désiré Mbaye Mukoje, qui est hôte de la manifestation. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, que l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs d'adorer le Père en esprit et en vérité. Si tu es un vrai adorateur, viens avec moi du 30 au 31 août 2025 à partir des 16h à la place de la gare SNCC et nous allons ensemble à le Seigneur. Surtout, ne rate pas les détails juste après. Et si Likasi devenait un hôtel d'adoration? Et si 2 jours suffisaient pour faire descendre la gloire du Seigneur? Le rendez-vous est donc pris à partir des 15h à la place de la gare SNCC Likasi. L'église Source Féconde vous invite à un événement dénommé Likasi Tador. Avec les adorateurs, le frère Alkambumba, le frère Jared Pongo, Igwe, son position, talenta, Igwe, ni Jesus Cristo, ni Jesus Cristo, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout elle. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout elle. Où les tout n'a confirmé, ni pas qu'à Yesu. Où les tout n'a confirmé, ni pas qu'à Yesu. Mon femme et mon nana, ni pas qu'à Yesu. Bouche, bouche, bouche, bouche, bouche, bouche, bouche. À la bouche, à la bouche, à la bouche. À la bouche, à la bouche, bête en bololo. Nicolo, Nicolo, Nicolo, Nicolo, Nicolo, Nicolo, Nicolo, alléluia, go. Likasi Tador. Walalala walalo hey walalolo allez bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge allez bouge allez bouge allez bouge allez bouge tout y a ce combien y a ce combien walalala walalo hey walalolo sa position walalala walalo hey walalolo and trois go kumbala la la la kumbala la la la kumbala la la du du du du du du kumbala la la la kumbala la la kumbala la la la Kumbala la la la, Kumbala la la la, Kumbala la la la, Kumbala la la la, Boucha boucha boucha à la bouche, à la bouche, à la bouche, à la bouche, à la bouche, Bina bona Yesu. Yesu akati nana ya. On est Zambia. Yes, allez, salabo, salabo, salabo, salabo, salabo, salabo. Yes, Katinanayo, on est Zambia. Yes, Katinanayo. Un, deux, trois, go. Tombola mouchoir, mouchoire, allez tombola mouchoire, lele, mouchoire, allez tombola mouchoire, tombola, tout, allez tombola mouchoire, tout mouchoire, allez tombola mouchoire, lele, mouchoire, allez tombola mouchoire, boucha, boucha, boucha, allez danser, allez danser, vina, vina, vina, vina, allez go. Pika kwa ta mikono, pika kwa ta mikono bien. Est-ce que nous pouvons les encourager avec les acclamations? Pendant que Ben Arudia. Wakati Ben Arudia, tu n'as été groupe ya église source féconde. Na yota loué Mungu pendant 5 minutes seulement. Wakati Ben Akaribia, tu n'as été là na kupika tena mikono. Dieu a tout confié à Mungu. On est encouragé qu'on a mikono. Bible kona sema yeyote ekona pumzi amusifu Bwana. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que les motards munaweza kuprouver ya kusema mko na pumzi ya kumusifu nayo Bwana? Est-ce que vous pouvez lancer un cri de joie? Alléluia, Mungu asifiwe sana. Na shie hapa, est-ce que tunaweza kumanifester que tuko na pumzi ya kumusifu nayo Bwana? Tumupikie kwa Mungu kikelekele kia shangwe, kikelekele kia fura. Vous n'avez que 5 minutes. Pika mulala, mulala, mulala. Est-ce que vous pouvez dire malikolo, telema, telema? Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu veux pousser le cri? Le cri de joie pour Jésus. Le cri de joie. Kasi Yesu mwana zambe, bomo izela. Yesu mwana zambe lelile, bomo izela ya seko. Kasi Yesu mwana zambe, bomo izela. Yesu mwana zambe lelile, bomo izela ya seko. Yesu mwana zambe, bomo izela. Yesu mwana zambe, bomo izela. Oh, kolo kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Oh, aleluya. Kolo Yesu walo kietu. Kolo kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Oh, aleluya. Mwamba mwamba ni Yesu we. Mwamba ni Yesu. Oh mwamba ni Yesu we. Mwamba ni Yesu. Mwamba mwamba ni Yesu we. Mwamba ni Yesu. Oh mwamba ni Yesu we. Mwamba ni Yesu. Bina bina la ye. Bina la ye na esengo. Oh aleluya. Kolo Yesu walo kietu. Bina bina la ye. Bina la ye na esengo. Kikalakale, kikalakale juu ya Yesu.

Peace. Wafako Yesu. Wafako. Alléluia. Amen. Wafako Yesu. Wafako kwa pumuzi. Wafako kwa bujima. Wafako kwa santé. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la grâce d'être en bonne santé peut bien applaudir ce grand Dieu? Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Likasi est béni. Nous voulons inviter un fou de Jésus, quelqu'un qui aime bien louer Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que avant que apande muneza kumonesha kusema munamupenda? Likasi, le fou de Jésus ni un fils maison. Comme lui-même il le dit, Waapa Pamayani. Attends quoi kumiambia. Nous invitons le bien-aimé Al Kambumba pour louer le Seigneur ensemble avec nous. Pendant que Ekona Panda, tukuna mwambia sema tunakupenda, karibu kwetu kulikasi, bien que ni wakulikasi. Alléluia. Pika koti mikono ya bien, pika koti mikono ya bien. Na kikelekele na kyo. Pika o kakikelekele kabien, pika kakikelekele kabien. Kikelekele ako kiko malari, pika kikelekele kabien, pika. Ongeza na sifle shimamia yulu mupike mungu kikelekele. Une manière de dire à Dieu, la force que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Ingufu niko nayo, aitoke kumabitoyo, mamalaki, oma. Non, non, ni we mungu. Shimamia yulu mupike. My God, my God, my God, my God. Bamotar misi asikia, bamotar misi shikie. Bamotar misi shikie. Maklakson ineo, maklakson, bateri, maklakson. My God, my God, my God. Est-ce que mon tonnage coupe pika qui kele kele? Aibo! Sikia, unone fashi banacha wazi. Aina se banacha tu hivi bule banacha ninju na uchofe mwambia Mungu. One vimi na kuchezea mubantu. Donc aina mambo kushikia leo kama unachofa hapo na mchezea Mungu, Mungu atafurahi. Pika ki kele kele. Totombo lantambe ti. Mais est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Tosha mouchoir, tosha mouchoir, tosha mouchoir. Aïe. Tosha mouchoir, tosha mouchoir. Pepe amele mouchoir, yulu. Pepe mouchoir, pepe mouchoir, pepe mouchoir. Kula kumwisho, pepe mouchoir, kula kumukongo. Aïe. Mouchoir, mouchoir, mouchoir, mouchoir. Sasa pika ki kele kele. Umambie voisin. Unyache ni mutukuze Mungu. Mwambie. Kama shaku ikalo mwambie shimama, tumutukuze Mungu. Umwambie. Umwambie sema mina yose unanipendaka, unapenda kunikonseye. Mangaribi ya leo unyache mbele. Unyache mbele ni mucheze. Umwambie, umwambie. Umwambie fwase. Umwambie fwase. Umwambie fwase. Umwambie sema usinikonseye. Leo unyache ni mfani ni. Ni mucheze Mungu, ni mutukuze Mungu. C'est un privilège pour nous d'être là ce soir. Je dis merci au pasteur Désiré ainsi qu'à maman. Merci beaucoup pour l'invitation à ce grand travail. Nous croyons que nous serons ensemble bénis. Wosa! Aïe! Shimami ako yulu, shimami ayulu, ushirate ifa. Wosa! Ninakuja kukuabudu, ninakuja kukuimbia, ninakuja kukutukuza. Yote umetenda vimenipitia, sijui nikupe nini. Pokea sifa na shangwe. Amen. Unaniondosha katika aibu Unanipa heshima yako Sijui nikupe nini Nani mwingine taimba mali zako Mbingu na dunia ni vyako Mbingu na inchi ni vyako Nani mwingine taimba apa Mbingu na dunia ni vyako baba Mbingu na dunia ni vyako baba Woza, woza, woza Woza Ai! Amém. Amém. Oh, amém. Amém. Oh, amém. Amém. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Nani mwingine taimba sehemu zako Mbingu na dunia ni vyako Mbingu na inchi ni vyako Yesu meniondosha katika aibu Unanipa heshima yako Sijui nikupe nini Wakupikia bikelekele ni weye Bikelekele ni weye Bikelekele ni weye Wawezo ni nani ye Wawezo ni nani ye Wawezo ni Mungu Wawezo Oh mukombozi ni nani ye Mukombozi ni Yesu Mukombozi Oh tegemeyo ni nani ye Tutaimba, Alleluia. Tutaimba, Amen. Tutaimba, Alleluia. Alleluia. Alleluia. Bosa lisusu imba, Alleluia. We Alleluia. Amen. We Alleluia. Alleluia. Alleluia. Bosa lisusu imba, Alleluia. Oh Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Sokina moni mwasi na zemi mbumba Nakobanga zambe Sokina moni bebe na maboko ngayo Nakobanga zambe Sokina moni mwasi na zemi ngayo Nakobanga zambe Sokina moni shekina na maboko Nakobanga zambe Natomboli lisusu na yema Alleluia Alleluia Amen Alleluia Alleluia Kanga lisusu wa yema Alleluia Oui, Alléluia, Alléluia. Tout le monde est sous son toit. Alléluia, oui, Alléluia. Ah, Wosa, Wosa, Wosa, Wosa. Aïe, Wosa. Aïe, Wosa. Aïe, Wosa. Wosa, mbinguni, wana inama, mbele ya kiti ya enzi. Wana abudu na wanasema wastahili Bwana Waze mbinguni wanainama mbele ya kiti ya enzi Wana abudu na wanasema wastahili Na sisi hapa tunakusanya kushuhudia wema wako Bwana Usifiwe Bwana Tala mumbaji wa mbingu na dunia Usifiwe Bwana Hakuna wa kulinganisha na wewe Mwokozi Usifiwe Bwana Mbingu na dunia ni vyako baba Usifiwe Bwana Mbingu na dunia ni vyako baba Usifiwe Bwana Hakuna wa kulinganisha na wewe Mwokozi Usifiwe Bwana Usifiwe Bwana Usifiwe Bwana Kamanda wa vita ni wewe Bwana Usifiwe Bwana Kamanda wa vita ni Yesu Kristo Usifiwe Bwana Kamanda wa vita ni wewe Bwana Usifiwe Unachezea kamungu wapi? Shuka kilo, shuka kilo. Shuka kilo. Ma, ma, ma, ma, ma. C'est ça, c'est ça. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Commander one vitani Yesu Christu. Usifiwe bwana. Hai. Ah, ni nani we? Ni Yesu. C'est ça. Sécurité, moi, c'est comment tu vas me toucher le monde. Mouchibakataze qui nène. Moubache, va toucher le monde. Rendez-vous après prédication. Oui, après Maubiri. Pika qui que le kale. Alléluia. Pika qui que le kale qui a kizuri sasa. Alléluia. Lui, c'est vraiment un fou de Jésus. J'aime beaucoup sa façon de louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encourager ce talent, cette star de notre ville de Likasi? Alléluia. Que Dieu soit loué. Pendant ce temps, nous invitons l'adorateur, le frère Jared, pendant quelques temps, et nous allons après écouter la parole. Ils vont encore revenir. Est-ce qu'on peut l'encourager et l'accueillir chez nous à Likasi? Mikono yako nilipatia boka. Mikono yako kunaleta boka. Pika tu mikono ya bien. Pika mikelekele, pika mikono, pika mikono. Bonsoir frères et sœurs. J'ai envie de dire bonsoir Likasi. Nayoki, bonsoir, Nayo Biente. Est-ce que tu peux ovationner la présence du Saint-Esprit en ces lieux? Non, on dirait que tu ne comprends toujours pas. N'est-ce pas que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 10 personnes dans, je ne sais pas dire dans la salle ou je ne sais pas dans la cour. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 10 personnes, s'il te plaît? Vite fait, salue-les. Et puis Ozo et Bissaye, quand tu le salues ou la salues, tu lui dis Likasi appartient à Dieu. Cette ville appartient à Dieu. Personne ne te la ravira. Hein? Salango bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien. Ozo et Bissaye, Likasi appartient à Dieu. Alors que tu l'as fait, acclame maintenant très fort pour la présence de Jésus en ces lieux. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Attendez, je vais te dire une chose vite fait. Vous savez, je suis le frère Jared Mpongo, je viens de Kinshasa comme on vient de me présenter tout à l'heure. Je suis très content d'être là. Je rends grâce à Dieu pour ce culte qu'on va passer tout à l'heure, aujourd'hui et demain, bien sûr. Et je remercie Papa Désiré. Où est Papa Désiré? Merci infiniment, Papa, que Dieu vous restaure. C'est pour moi un privilège d'être là présent. Est-ce que vous êtes content que nous soyons là parmi vous? Balance ta main. Il y a encore une autre chose, c'est que Dieu est tellement fidèle. Ici, en ce lieu, il y a des gens qui ont vécu la fidélité de Dieu. Namoni, prophète Jado, Namoni, prophète Sankinka, Namoni, papa Désiré. Mais si je leur pose une question tout à l'heure, est-ce que 10 ans passés, ils étaient ce qu'ils étaient? Ils sont plutôt maintenant, ils diront que non. C'est la fidélité de Dieu qui nous garde, qui nous fortifie. J'aimerais ici ce soir que des hommes et des femmes reconnaissants puissent juste dire merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Tu balances ta main, tu dis merci Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi tous ensemble on va chanter avec les choristes. On va dire Namoni pole Nanzela nanga Mikolwe leki Nazalaki. Namoni pole na bomoi na ngaye mikolwe leki elinga ki ebebela namoni pole na mosala na ngaye mikolwe leki elinga ki esila namoni pole likasio moni pole papa Jado moni pole Jésus. Papa Désiré, Zapo, mon épaulé. Frères et sœurs, ton mon épaulé. Ah, ça dit. Bambe, banangaï, nyon, solimbisi. Nani, ako, katelanga. Est-ce que tu peux le chanter? Passons au restaurant. Ele, kinelo. Bolingo, na luka, ki, opesi. ngaye Eza nini ye ye Basambwa malamu we Tikanzamba multiplie ma bonne nouvelle dans ta vie au nom de Jésus Basambwa malamu Gai moto baku Ndaki ye soade Sine na sekwa ngaye Basambwa malamu we Oye bunga kie Yesu azongi selinga Ana matabisi ye Na lobi kiti alokumwe alobi na fana zwa kembonyoso na milolo milolo ya lelo Jericho kokwe ya Yesu azama kasi osa esika esika na batama. Vous savez, nous autres, on a une histoire à raconter. On a un témoignage. Lorsqu'on est en train de dire « Osa et Sika na batamaki na mi pepe », cela veut dire que lorsque le diable a voulu toucher, quelqu'un a préservé. Et ce quelqu'un-là n'est personne d'autre que Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es en train d'être silencieux alors que nous sommes en train de monter en esprit. Mais j'aimerais juste te dire que Jésus est présent. Azanzambe aba genre et aba to ba kontara sur batouté, mais que sérieux. Il est ce genre de Dieu qui te prend en charge sans demander ton avis. Cela ne dépend pas de ce fond musical ou de moi, mais de Jésus et toi ici en ces lieux. J'aimerais que la musique baisse pendant quelques secondes. Parle à Dieu. Est-ce que des prières peuvent monter? Est-ce que des prières montent? Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Est-ce que cette prière est en train de monter? L'ore de l'osson de l'éclare vaille de l'ossa des gars. La somme le vaille de l'iravlito le vassa. Sopoussani libosona. Yo ya ya. Na koyemba mosantu yozali mwana na pate ofandi na ngwende Yesu omika bambekae ya motuya pona ngai na sengizu alokumwe. Est-ce que tu le dis avec moi? Topusani, Limosona, Era la mane, Esapona, Koyamango, Mosatue, Akoma, Mwanana, Pate. Avec ta voix, Topusani, Liboso, Liboso, Nayo, Yaya, et sa bonne accueille, Mae, Mosantu, Sois le lo maboko nangaye, sois le Sana maye. Oh, Nicolas. Si t'adore, mis au péto yembi. Nicolas yembi. Suele de gono ne veni yendo. Suele ne mambra li ande tu yele. Sananana. Mis au péto. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Eradabano, saya le brade. Elona mama mano saire Bikuke alole fongwa melinga Moyo kilo sambo hayano linga Bikuke alole fongwa melinga Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Moyo kilo samaya noli. Est-ce que je peux entendre ta voix le déclarer ce soir? Bikuke alole fonwa melinga. Est-ce que tu le chantes? Moyo kilo sambo ayanolinga. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu montes encore? Bikuke alole, fongwa melinga. Radabando soy de lava. Moyo kilo sambo ayanolinga. Je désire une seule chose dans mon cœur. La seule chose que je désire, Seigneur, c'est que je passe toute ma vie dans ta présence. C'est que lorsque mes enfants viendront au monde, que mes enfants restent dans ta présence. C'est que lorsque des générations parlera de toi, que l'on dise que tu es un Dieu puissant, que tu accomplis des miracles. Une seule chose dans ta présence. Une seule chose. Est-ce que quelqu'un est en train de prier à Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de prier à Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Otika lola polele Atana eba mbalebele Nabeta kokoko Ma komie loba polele Ozana drua ya koluka nzambe Na poko atona tongo Na yebi otika lola polele Atana ye na baka difficile Na beta Biblia na yo eloba polele Nazana drua ya koluka nzambe Napo kwa tona tongo Nazobele la yo Moya nolie Moya nolie Moya nolie Nazobele la yo Moya nolie Moya nolie Yesu salango lisusu lelo On va dire, au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un soumer a disparu. Des forces me manquent pour me relever. De De partout où je suis accablé, yes. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant, Dieu, ton regard, lève-toi. Dis-le-lui aujourd'hui, là, ce soir. Et pourtant, Dieu, et pourtant, Dieu, tu contrôles. Décide. Aïe, aïe, aïe, aïe. Sabaote. Il est là, il t'entend. Dis-le encore. Aïe, aïe, aïe, aïe. Likasi e bel alio. Sabaote. De tout ton cœur. Sabaote devant ma cause. Maloba et Selina Belali, yelele, uelolo, yelele, ue, mungwa maombi, yelele, eradaba shayana. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence des anges ce soir. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce soir. Merci parce que le ciel est ouvert. Pour que Christ soit glorifié ce soir. Merci parce que c'est le temps des dieux. C'est le temps des restaurations. C'est le temps des guérisons. C'est le temps de libérer les vies. Dans la puissance de la parole de Dieu. Oh merci Jéhovah. Sainte Dieu. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Oh, tu acclames bien. Acclame encore mieux. Tu acclames très bien. Tu acclames déjà très bien. Oh, gloire au Seigneur. Si fort quoi bonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais juste vous présenter nos invités ce soir. Avant de vous introduire l'homme de Dieu qui va nous faire beaucoup de bien ce soir. Nous avons... un homme très bien. Il aime le Seigneur. C'est pourquoi il est là ce soir au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. Est-ce qu'on peut l'acclamer et l'encourager? Je salue tous nos invités qui sont là. Je rentrerai pour présenter mes amis, mes frères et mes sœurs. Le frère Alka. Donc Alka. Même là où il est, il peut se lever. Et se relever encore. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, je l'aime bien. Je bénis le Seigneur pour ce frère. Et son épouse, je ne vois pas maman, elle est à côté. Voilà, on peut bénir le Seigneur aussi pour elle. À côté de lui, il y a notre sœur. Na kando kando yake kuna kuya dada mwingine. Mama Gloria Mulango Chipamba. Mama Gloria Mulango Chipamba. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi très fort? Na pia tunaweza kumpokelea. C'est vraiment une maman que j'aime bien. Elle aime le Seigneur. Elle est attachée au Seigneur. Et elle est attachée à l'église. Et elle aime servir son Dieu. J'encourage les mamans à faire la même chose. Aimons le Seigneur. Dieu est plus que tout ce qui peut exister. Mungu anashindia yote naweza kuwako. Toute chose a une fin. Kila kitu kinakuwa na mwisho. Mais au-delà de ça, na kushindia ile, Hébreu nous dit ceci, wa Ebrania anatuambia hivi, que le ciel et la terre vieilliront un jour. Mbingu na dunia pitazeka siku moja. Comme l'homme vieillit. Cette terre vieillira. Et la Bible dit que Dieu la roulera comme un manteau. Mais lui, il reste le même. Le Seigneur reste le même. Alors ne t'attache pas à ce qui vieillit. Attache-toi à ce qui est essentiel et éternel. J'aimerais que nous puissions donner notre offrande parce que c'est un culte. Est-ce que le protocole peut nous aider rapidement? On veut gagner le temps. Et pendant ce temps, je laisse encore le temps au bien-aimé Jarrette avant d'inviter l'homme de Dieu. Nous donnons nos offrandes rapidement pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Yo zanyo so ebongi nanga Nazo yemba pona lingi yo Sepeli samo tema nanga Pendant que tu es en train d'offrir, balance ta main Betata moi mololo, mololo, mololo Yo zanyo so e bongi nangaye Ye ye ye ye ye ye ye Nazo ye mbapona linga kayo Sepeli samote mananga Lelo yo yesue Sa lelo komo kilie kamayo Baluka, baluka, boba kwe isanga, yesu atiki mate, ero, ero, bapesa bilaka na bango, bako kisa jame, yesu asali nyonsonga, ero, Soki yeswa komisio ero beta mololo Sepeli sa motema nangaye Sale lo komo kilie kamwayo Nani ayakia wana mikumba Mikumba hey, Yeswa lobya zozo wango en charge Le loyo ena ya senga kie lisungi Likasi, aujourd'hui le ciel restera ouvert Ta la lola ndenge fongwami Iye Batonga na linga na matema Babalu ke linga Ena tikali kakaye na yo Ina yo Pas souci et kenango, je ne regrette plus rien. Yes, soit sa ligne en son gagné. Héro, héro. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons laisser le temps à la parole de Dieu. Et c'est des moments merveilleux. Le ciel est déjà ouvert. Et notre Dieu est déjà présent au milieu de nous. Et pendant ce temps, j'aimerais inviter l'homme de Dieu qui est là ce soir et qui, par lui, Dieu va bénir la vie de Likasi. Il s'agit du prophète Ezekiel Sankika. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et le recevoir avec joie au milieu de nous? Oh, est-ce qu'on peut encore l'encourager? On peut l'encourager. Amen. Likasi Jambo. Likasi bonjour. Likasi Jambo. Likasi bonjour. Est-ce que Likasi est là ce soir? Likasi na kuwa padioni. Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer Kama royalement le Seigneur? Unaweza kuchapa que je t'entende de partout où vous êtes. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que je peux vous entendre? Naweza kumsikia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais que tu me prêtes ta main, que tu salues le voisin, que tu lui dises c'est la soirée de ma visitation. Salue le voisin à côté de toi, dis-lui c'est la soirée de ma visitation. Apparemment ce voisin-là est fâché contre toi. Trouve un autre voisin, dis à l'autre voisin c'est la soirée de ma visitation. Apparemment tu as la dette de ce voisin-là. Trouve le voisin derrière, dis-lui c'est la soirée de ma visitation. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je crois de tout mon cœur que ce soir le Seigneur nous visitera et nous fera beaucoup de bien. Avant que je n'entre dans les Écritures, j'aimerais dire merci à Dieu pour l'opportunité et le privilège qu'il me fait de me tenir devant vous ce soir et de partager avec vous les Écritures. Je dis profondément merci au pasteur Désiré Mbaye pour la marque de confiance qu'il m'accorde. Ce ne sont pas des orateurs qui lui manquent dans son répertoire. Ce ne sont pas des noms des grands hommes qui lui manquent dans son répertoire. Mais il a pensé à moi. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et célébrer l'homme de Dieu? Celui sans qui nous ne serons pas ici, c'est lui qui a organisé ce programme. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Désiré Mbaye, et de son épouse à côté de lui? Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Mets tes mains ensemble et célébrons Dieu pour leur vie. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Ce n'est pas une formalité. La Bible révèle qu'il y a des hommes qui méritent l'honneur. Et il y a de ceux qui méritent un double honneur. Il est de ceux-là qui méritent un double honneur. Merci. Je célèbre Dieu pour tous ceux qui sont passés ici avant moi. Je bénis le Seigneur pour l'adoratrice Gloria. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Je bénis le Seigneur pour le frère Al-Kambouma. Est-ce qu'on peut mettre ensemble? Je bénis le Seigneur pour le merveilleux frère Jaren Pongo. Est-ce qu'on peut mettre ensemble? Et les célébrer. Je bénis Dieu pour l'apôtre Samuel qui nous vient de la Tanzanie. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? J'ai vu le prophète Jado qui est là. Est-ce qu'on peut aussi célébrer Dieu? Je sais qu'il y a plusieurs autres serviteurs et servantes de Dieu. Mettons nos mains ensemble pour tous les serviteurs et servantes de Dieu en ce lieu. Mon Dieu, je sens la grâce de Dieu ce soir. Je sens la présence de Dieu ce soir. J'aimerais que tu sois debout sur tes deux pieds. Je suis le prophète Ézéchiel Sankinka. Je suis pasteur des églises Terre Sainte. Et en des extensions à Bukavu, à Goma et à Kampala en Uganda. Je salue la présence de mon épouse qui m'a accompagné ce soir. Et avec elle, nous avons deux merveilleux enfants par lesquels le Seigneur nous a bénis. Je suis venu aussi avec mon fils, le pasteur Gédéon, c'est lui qui est le pasteur de notre église de Goma. Et nous célébrons Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, je veux vous proposer de lire avec moi deux textes des Écritures. Le premier texte est dans Jean chapitre 4, le verset 9 à 10. Et ensuite nous prendrons le verset 19 à 26. Et le dernier texte ne sera qu'un seul verset, c'est dans le psaume 50. Psaume 50, le verset 6. Nous sommes dans Jean chapitre 4, Yohano, le verset 9 à 10, et ensuite 19 à 26. Oui, pasteur Gédéon. Nous lisons Jean chapitre 4, le verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, la femme samaritaine lui dit. Biblia natangaza, mwanamuke msamaria kamwambia. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. 19 à 26, lis beaucoup plus rapidement. Oui. 19 à 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer et à Jérusalem. Yes. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Yes. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Oui. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, Amen. Moi qui te parle. Nico, le dernier texte, psaume 150, le verset 6. Le dernier verset. Psaume 150, le verset 6. Nous lisons psaume. Chapitre 150, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que quelqu'un respire ce soir? Est-ce que quelqu'un respire ce soir? Apparemment, vous avez laissé vos bouches à la maison. Est-ce que quelqu'un respire ce soir? Dis au voisin, ne laisse pas ta bouche à la maison. Parle quand le prophète te parle. Est-ce que quelqu'un respire ce soir? Est-ce que si tu respires, tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Car il est glorieux. Donne-moi ta gamme. Donne-moi ta gamme. Donne-moi ta gamme. Lève les mains vers le ciel, dis-le. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau est sous. Est-ce que tu peux le chanter avec moi à haute voix? Nous élevons nos voix, dis-le plus fort. Je veux juste que l'assemblée le dise. L'agneau. Dis-le plus fort. Car il est glorieux. Est-ce que l'assemblée peut le dire à haute voix? L'agneau verra. Nous élevons. Tu connais le chant, dis-le. L'agneau ta foi avec toute ta force. Holy Colo. Ekumba melayo. Yon zambe. Yon zambe. Dis-le encore une dernière fois. Oh, l'icolo nasce. Yon zame. Yon zame. Shadarabasiano. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es présent en ce lieu. C'est toi que nous invoquons comme Dieu. C'est vers toi que nos regards sont tournés. Viens et glorifie le nom de ton Fils Jésus. Au-delà des limites des hommes, au-delà de l'intelligence des hommes, révèle-toi tel que tu es par des signes, des miracles et des prodiges. Montre-nous ta force et ta puissance dans le nom de Jésus. Lève ta main droite partout où tu es. Lève ta main droite de partout où tu es. Je veux voir ta main levée. Dis fort avec moi, Jésus. Dis très fort avec moi, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, tu me visiteras. Tu me parleras. Tu me transformeras. Ma vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donne-moi juste quelques minutes, je vais te prêcher la parole. Et ensuite, nous allons prier. Car je sens la gloire de Dieu sur le point de tomber en ce lieu. Qui m'a donné le plus grand amen? Qui m'a donné le plus grand amen? Le texte de Psaume 50 que nous avons lu dit quelque chose de fort. La Bible est en train de dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est sur le point de louer, la seule condition qu'il a besoin de vérifier, c'est s'il respire. Tous ceux qui respirent a la capacité de louer Dieu. Ça veut dire que la louange n'est pas limitée qu'aux hommes. Lorsque l'on parle des louanges, même les animaux peuvent louer. La Bible révèle que même les oiseaux chantent à la gloire de Dieu. Parce que tous ceux qui possèdent une respiration ont l'habilité de louer Dieu. Ça veut dire que les arbres aussi peuvent louer. Parce que les arbres aussi respirent. Sauf que les arbres respirent différemment de nous. Eux, ils avalent le CO2 pour rejeter l'oxygène. Dieu s'est rassuré de donner à toute la création la capacité de le louer. Parce que la louange est la réaction de l'homme à une action divine. Parce qu'en réalité, la louange est une exclamation. Parce qu'en réalité, la louange n'est pas une prière. La louange est une exclamation. C'est quoi la louange? Lorsque vous lisez en grec et en hébreu, le mot louange vient du mot hillel. C'est en fait l'expression que l'on avait lorsque l'on voyait quelque chose de beau. Louange, en fait, ça signifie un peu comme wow. Ça veut dire que quand je vois quelque chose de beau, je dis wow. C'est le wow là que je viens de dire. C'est ça qu'on appelle la louange. Lorsque quelqu'un voit un miracle et qu'il dit hey, il n'y a pas le nom de Dieu dedans, mais le est là déjà, c'est ça même la louange. Parce que sa louange n'est pas une louange qui est forcée. La louange est provoquée par une action divine. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ainsi que tous ceux qui respirent ont la capacité de louer Dieu. Parce que tous ceux qui respirent peuvent voir l'œuvre de Dieu. Même le païen peut louer. C'est comme ça que vous allez voir un voleur qui vient de voler quelque part. Et on le poursuit, on est sur le point de l'attraper. Et quand il réussit à fuir, il dit ah, Seigneur merci. Alors qu'il vient de voler. Mais quand il réussit à s'échapper, il dit ah, Seigneur merci. Le merci là, ça arrive vraiment chez Dieu. Parce que tous ceux qui respirent est habilité à louer Dieu. Est-ce que quelqu'un respire ce soir? Est-ce que quelqu'un est vivant ce soir? Les seules personnes qui ne peuvent pas louer, ce sont les morts. Ésaïe 38, le verset 18 à 19. La Bible déclare, ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Un mort ne peut pas louer. Parce que pour le mort, il n'y a plus d'espoir. Mais le vivant peut louer. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire critique-moi comme tu veux. Insulte-moi comme tu veux. Je peux manquer d'argent aujourd'hui. Je peux souffrir aujourd'hui. Mais si seulement je respire, ça veut dire que mon histoire n'est pas finie. Si seulement je respire, ça veut dire que j'ai... Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tant que tu respires, tu as la possibilité de le célébrer. Parce que tant que tu respires, Dieu peut encore intervenir à ta situation. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Bouge le voisin, dis-lui, voisin, ne te moque pas encore de moi. Je suis encore vivant. Et comme je suis vivant, donc Dieu peut faire encore un miracle pour moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à une femme ce soir qui traverse des situations compliquées dans son mariage et dans son foyer. Je suis en train de te dire, si tu t'es réveillé ce matin, c'est un sujet suffisant pour le célébrer. Il peut encore intervenir. Tu me donnes le plus grand amen. Je prie que Dieu intervienne pour toi. Je dis, je déclare que Dieu se lève en ta faveur. Je dis, je déclare que Dieu se manifeste en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Si je vois une belle Mercedes, comme Amina, on a gari mzuri. Même si je ne sais pas comment on fabrique ça, je vais quand même dire waouh. Parce que l'exclamation là, c'est ça qu'on appelle la louange. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui va provoquer une exclamation dans ta bouche. Tu vas dire, hey, Dieu est aussi capable de faire des choses comme ça. Ton amen n'est pas arrivé. Si je connais un homme, Dieu venait de le visiter. Il avait tellement souffert dans sa vie. Et Dieu l'a béni financièrement. Il a dit, ah, Nzambe, Osamukolo, tu es grand. Ça veut dire, tu es âgé. Ça veut dire, il a réfléchi, il n'a pas trouvé de louange. Parce qu'il n'était pas très très chrétien. Il a trouvé les mots que lui, il connaît dans le quartier. C'est que dans le quartier, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on lui dit, tu es mukolo. Il a vu aussi ce que Dieu venait de faire pour lui. Il a dit à Dieu, ah, Osa mukolo. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance, prophète. Il y a quelqu'un un jour qui a dit à Dieu, vous savez, Akin, quand quelqu'un fait quelque chose de grave, d'excellent, parfois on dit Moutouaza diable. On dit que cette personne c'est comme un diable. Parce qu'il a fait quelque chose avec excellence. Et un jour quelqu'un voulait louer Dieu. Il n'a plus trouvé des mots. Il a dit Anza Moza diable. Parce que sa louange n'est pas liée à la définition des mots. La louange est définie, elle est définie par ce que lui il essaye de dire à Dieu. Quand nous louons Dieu, ça ne dépend pas de si je maîtrise le français ou pas. Ça ne dépend pas de ce que le dictionnaire dit de ce mot-là. Mais ça dépend de ce que moi j'essaye de dire à Dieu. Même si vous n'avez pas compris, Dieu lui, il comprend ce que j'essaye de lui dire. Même si les hommes vont dire, on ne dit pas ça. Mais Dieu, lui, il sait ce que j'ai voulu dire. Ton amen n'est pas arrivé. Dieu m'a dit de te dire, avant la fin de l'Ikasita d'or, tu loueras Dieu. Tu vas louer Dieu avec un mot. Avec un mot que tu n'as jamais utilisé avant. Tu me donnes le plus grand amen, je te parle. Dis avec moi la louange. Mais le problème de la louange, c'est que tout ce qui respire peut louer Dieu. Même un chat peut louer Dieu. Mais l'adoration est conditionnée par la connaissance de la personne de Dieu. Il n'existe pas d'adoration si l'on ne connaît pas Dieu. Parce que louer, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Je peux savoir l'œuvre Mercedes sans connaître le fabricant Mercedes. Je peux voir un iPhone dire c'est beau, mais ne pas connaître qui a fabriqué l'iPhone. La louange est liée à ce que Dieu fait, mais l'adoration est liée à ce que Dieu est. L'adoration nous exige de connaître celui qu'on adore. C'est comme ça que Jésus dit à la femme, vous vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons celui que nous connaissons. Il y a quelqu'un ce soir qui va quitter de la dimension de la louange seulement et qui va entrer dans la dimension de l'adoration, parce que tu vas aussi connaître le Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu sais, tu es capable de prier sans connaître Dieu. C'est possible de prier apôtre Maï sans connaître Dieu, parce que c'est possible de demander sans connaître la personne à qui on demande. Parce que simplement on t'a dit que Dieu est capable. C'est comme ça que même les demandes que tu fais à Dieu révèlent que tu ne connais pas Dieu. Tu sais, quand tu ne connais pas le compte bancaire de quelqu'un, tu veux demander à quelqu'un l'argent, tu lui dis, ah, donne-moi 50. $50. Et puis si tu vois qu'il traîne, tu dis, bon, donne-moi même 10. C'est parce que tu ne sais pas s'il a combien. Parfois les prières que tu fais me révèlent que tu ne connais pas Dieu. Tu commences la prière en disant, Seigneur, donne-moi un mari riche et béni. Et tu finis la prière en disant, bon, Seigneur, celui qui va venir seulement. C'est parce que tu ne sais pas que ton Dieu est capable de faire au-delà même de ce que toi tu demandes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Je connais des gens qui ont commencé leur prière en disant à Dieu, Seigneur, donne-moi $20,000. Après un mois, prophète Jado, les $20,000 ne viennent pas. Il dit, bon Seigneur, si pas 20 000, même 10 000 alors. Après 3 jours, les 10 000 ne viennent pas. Il dit, bon Seigneur, si pas 10 000, donne même 200. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Toi-même, tu commences à diminuer ta prière. Parce que ta prière me révèle ta connaissance de Dieu. Je sais que tu ne connais pas Dieu à cause de la manière dont tu le pries. Mais comment connaître le Seigneur? La seule manière par laquelle nous avons de connaître Dieu, dis avec moi, c'est par la révélation. Dis plus fort, c'est par la révélation. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Si Dieu ne se montre pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Dieu se révèle de plusieurs manières. Dieu peut se révéler par la Bible. Dieu peut se révéler par des visions. Dieu se révèle de plusieurs manières. Abraham n'avait pas de Bible, mais il connaissait Dieu mieux que toi, parce que Dieu s'était révélé à lui sans même utiliser la Bible. Nous aujourd'hui nous sommes bénis. Dieu nous a donné sa parole. Mais c'est possible de lire la Bible, d'aller à l'école biblique, de s'asseoir et de lire des choses sur la Bible sans jamais connaître Dieu. C'est comme ça qu'il y a même des occultistes qui vont dans la faculté de théologie. Ils apprennent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Les versets que tu as retenus dans la tête ne veulent pas dire que tu connais Dieu. Les récitations que tu as apprises à l'Ekodim ne veulent pas dire que tu connais Dieu. Le seul moyen de connaître Dieu s'appelle la révélation. Je prie ce soir que Dieu se révèle à quelqu'un. Il vivait avec les disciples. Il marchait avec eux tous les jours. Un jour, il leur a demandé: que dit-on que je suis? La première question qu'il leur pose, c'est: qu'est-ce que les autres disent que je suis? Remarquez que tous ont commencé à parler. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es l'un des prophètes. On dit que tu es Esaïe. On dit que tu es le roi. Ils ont parlé. Parce que très souvent, nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons ce que les autres disent que Dieu est. Très souvent, ceux qui vont à l'église ne connaissent pas Dieu. Ils savent ce que le pasteur a dit que Dieu est. Quand Jésus demande: que dit-on? Que dit-on que je suis? Rapidement, tout le monde a parlé. Mais quand il change de question, il dit: que dites-vous? Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à prier, pasteur Désiré, je priais avec les prières de ma mère. J'avais tellement entendu ma mère prier. J'avais tellement entendu ma mère louer que je répétais ce que ma mère disait. Parce que moi-même, je ne connaissais pas Dieu. Je savais ce que ma mère disait que Dieu était. Mais ce soir, le Dieu de ton pasteur va devenir ton Dieu. Le Dieu qui s'est révélé aux autres va se révéler aussi à toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Vous, que dites-vous que je suis? Ils sont restés calmes. Et Pierre lève la main avec hésitation. Il dit: tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit rapidement: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a une révélation de la personne de Jésus que Dieu va te donner ce soir. J'aime le Dieu de la Bible parce que par sa Bible, il nous a révélé qui il est. La Bible a 66 livres. Et dans chaque livre, il se révèle de manière particulière. De telle sorte que nous tous, nous pouvons ouvrir la même Bible. Mais nous tous, on ne va pas voir la même chose. Parce que chacun a sa révélation de Dieu. Dans Genèse, il est le commencement de toutes choses. Dans Exode, il est le Dieu de la délivrance. Dans Lévitique, il est le Dieu qui marche par ses principes. Dans Nombre, il est celui qui combat nos batailles. Dans Deutéronome, il est celui qui nous rappelle sa parole. Dans Josué, il est le Dieu des pères qui marche avec les fils. Dans Juge, il est la force des faibles. Dans Ruth, il est celui qui nous rachète. Dans 1 et 2 Samuel, il est notre prophète. Dans 1 et 2 Rois, il est notre roi. Dans 1 et 2 Chroniques, il est le Dieu de notre histoire et de notre destinée. Dans Esdras, il est le Dieu de son temple. Dans Néhémie, il est notre muraille. Dans Esther, il est le père des orphelins. Dans Job, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans Psaume, il est le Dieu qui exauce les prières. Voilà pourquoi toutes les nations viendront à lui. Dans Proverbe, il est la sagesse. Dans Ecclésiaste, il est est notre enseignant. Dans Cantique de Cantique, il est l'amour de notre vie. Dans Esaïe, il est le Messie qui doit venir. Dans Jérémie, il est le Dieu du jugement. Dans Lamentation. Dans Lamentation, il est celui qui renouvelle ses bontés. Chaque matin, oh mon Dieu, dans Ézéchiel, il est l'Esprit qui fait revivre nos ossements. Dans Daniel, il est le maître des temps et des circonstances. Dans Osée, il est le Dieu qui aime même les pécheurs. Dans Joël, il est celui qui remplace les années pour dévorer les sauterelles. Dans Amos, il est celui qui ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Baissez juste le volume. Dis avec moi, avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Dans Abdias, il est le messager envoyé aux nations. Dans Jonas, il est le Dieu de la seconde chance. Dans Michée, il est le Dieu qui utilise même les petites choses. Dans Nahum, il est le Dieu du châtiment. Dans Habakkuk, il est celui qui parle à ceux qui se tiennent sur la tour. Dans Sophonie, il est celui dont la colère n'est pas éternelle. Il finit toujours par pardonner. Dans Agée, il est le Dieu de la seconde gloire. Dans Zacharie, il est celui qui confond nos accusateurs. Dans Malachie, il est celui qui renvoie l'esprit d'Élie. Dans Matthieu, il est le roi de son peuple. Dans Marc, il est le serviteur de tous. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Actes, il est l'esprit de puissance. Dans Romains, il est celui qui ôte la condamnation du péché et de la mort. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est celui qui fait de nous dispensateurs des mystères de Christ. Dans Galates, il est notre héritage. Il est notre héritage. Il est notre héritage. Il est notre héritage. Il est notre héritage. Dans Éphésiens, il est le Dieu qui combat pour nous. Dans Philippiens, il est celui qui s'est humilié et que Dieu a élevé. Dans Colossiens, il est celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il est celui qui a livré publiquement en spectacle les dominations, les autorités, les principautés, en triomphant d'elles par la croix. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est celui qui a promis de revenir et qui va revenir. Dans 1 et 2 Timothée, il est le Dieu de l'homme de Dieu. Dans Tite, il est la grâce, source de salut pour tout homme. Dans Philémon, il est celui qui fait mention de nous dans ses prières. Dans Hébreux, il est celui qui marche avec les hommes de foi. Il marche avec les hommes de foi. Dans Jacques, il est le Dieu des vrais convertis. Dans 1 et 2 Pierre, il est la pierre. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. Dans 1 Jean, deux ans, trois ans, tel il est, tel nous sommes sur la terre, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Dans Jude, il est celui qui sauve son peuple et fait périr les incrédules. Dans Apocalypse, dans Apocalypse, dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse, il est le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse, il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dans Apocalypse, il est l'amen et le véritable. Dans Apocalypse, il est celui qu'on appelle fidèle. On l'appelle fidèle. Dans Apocalypse, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Dans Apocalypse, il est le bien-aimé. Il est le bien-aimé, l'époux de l'Église. Je viens de te présenter le Dieu. Et je viens te dire, il n'y a pas de véritable adoration si l'on ne connaît pas le Dieu de la Bible. Si ce Dieu-là ne s'est pas révélé à toi, il est impossible de l'adorer. La femme samaritaine lui dit, mais vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, nos pères ont adoré ici. Il dit, femme. Ce n'est ni à Jérusalem, ça ne dépend pas du lieu. Ça ne dépend pas du nom de ton église. Mais il y a une catégorie d'adorateurs que le Père recherche. Ceux qui sont capables de l'adorer en esprit. Ceux qui sont capables de l'adorer en vérité. Elle a présenté à Jésus deux montagnes. Elle a dit à Jésus la montagne de Jérusalem. Elle a présenté à Jésus le mont Garizim. Jésus lui a présenté deux autres montagnes, mais qui ne sont pas des montagnes physiques, mais des montagnes spirituelles. Jésus lui a dit en esprit et en vérité. Elle a dit, mais nous on adore ici. Là où ils étaient, c'est le mont Garizim. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. C'est deux montagnes. Mais Jésus lui dit, non, je préfère en esprit. Je préfère en vérité. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Le Dieu de la Bible, dont tu as souvent entendu parler, ce soir a décidé de se révéler à toi. Ce soir a décidé de se faire connaître à toi. Afin que tu n'aies plus besoin des paroles du frère Jared pour l'adorer. Tu n'aies plus besoin des pas de danse de Al Kambuma pour le louer. Mais que toi-même tu dises, nous aussi on connaît Dieu. Lorsqu'il a commencé la conversation avec la femme samaritaine, il lui dit, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, mais toi tu es juif. Tu demandes à moi une samaritaine. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la seule révélation qu'elle a, c'est que Jésus est juif. Elle dit, mais toi tu es juif. Entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Mais plus la conversation continue, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Elle dit, non, moi j'ai pas de mari. Elle dit, il dit, tu dis vrai. Tu as eu cinq maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Ça veut dire que je ne suis plus juif. Je suis maintenant devenu prophète. Plus elle causait avec Christ, plus la révélation changeait. Au début, il était le juif ennemi. Maintenant, il est devenu le prophète qui prophétise sur sa vie. Et la conversation continue. Elle dit, comme tu es prophète, donc je peux poser des questions sur les Écritures. Mais vous dites ça. Nous, on dit ça. Jésus lui répond, Et puis elle dit, ah, je sais que le Messie doit venir. Il nous enseignera toutes choses. C'est là maintenant que s'arrêtent les déductions de la femme. Parce que jusque-là, c'est elle qui faisait des déductions. Elle le voit, elle déduit qu'il est juif. Elle l'entend parler, elle déduit qu'il est prophète. Mais là maintenant, quand elle dit, je sais que le Messie doit venir, ce n'est plus elle qui parle. Mais Jésus lui répond, je le suis. Moi qui te parle. Oh Rabba Yassaba. Beaucoup de choses que les gens savent sur Dieu sans leur déduction personnelle, sans le résultat de leur intelligence. Mais je prie ce soir que Dieu lui-même se révèle à toi. Comment expliquer qu'un Jean-Baptiste bébé connaissait Jésus, mais Jean-Baptiste vieux a manqué de reconnaître Jésus? On ne connaît pas Dieu à cause des cheveux blancs. Quelqu'un a dit, mais moi, on a tout l'été à prophète, moi, à jeune Yves. On nous a apporté un jeune prophète ensemble. On ne connaît pas Dieu à cause des cheveux blancs. On connaît Dieu par la révélation. La Bible déclare que quand Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth, Jésus aussi était dans le ventre de Marie. Le jour où ils se sont rencontrés, Élisabeth a dit, l'enfant a tressailli. L'enfant a célébré à l'intérieur de moi. Ça veut dire que dans le ventre de sa mère, il avait la révélation de Jésus. Le même Jean-Baptiste, un jour il voit Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'était son cousin. C'était son cousin. Mais il ne dit pas, voici mon cousin. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais un jour, le même Jean-Baptiste qui hier avait la révélation, un jour a perdu la révélation à cause de la difficulté de la prison où on l'avait mis. Il envoie des disciples. Il dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Il y a des gens ici, tu servais Dieu hier, mais à cause de la difficulté que tu as traversée, tu as perdu la révélation de Dieu. Il y a des gens ici, tu étais zélé pour Dieu hier, mais tellement que tu recherchais le mariage, tu as perdu la révélation de Dieu. Parce que tu recherchais le travail, tu as perdu la révélation de Dieu. Mais Jean, mais c'est toi qui nous avais présenté Jésus. Parce que la révélation de Dieu, lorsqu'elle n'est pas renouvelée dans le temps, elle devient une vieille révélation. Tu as besoin d'une nouvelle révélation de Dieu ce soir. On ne connaît pas Dieu par l'intelligence. On ne connaît pas Dieu par les études. On connaît Dieu par la révélation. Ce soir, il va se révéler à toi. Lorsque Jésus lui dit, c'est moi le Messie, la Bible déclare qu'elle jette la cruche et elle court dans la ville. Elle va appeler les gens. Elle va leur dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Mes femmes, tu étais venu puiser de l'eau. Pourquoi tu as jeté la cruche? Pourquoi tu as oublié que tu étais venu puiser de l'eau? Parce qu'une fois que tu as reçu la révélation de Christ, ta soif est étanchée. Tu oublies qu'est-ce qui t'avait emmené ici. Il y a des gens ce soir, tu es en train de m'écouter, tu t'es juste arrêté, tu as dit, moi, tu as dit que je vais d'abord regardé, observé. Tu étais peut-être juste en train de chercher le mariage. Tu es peut-être juste en train de chercher le voyage. Tu es comme la femme qui a la cruche d'eau et qui part puiser au puits. Mais lorsque Christ se révèle à toi, tu vas même oublier pourquoi tu étais venu. Parce que désormais tu auras Christ dans ta vie. Je parle à celui qui est sous le sang de ma voix. Dieu m'a envoyé te dire, tu as longtemps couru vers ce que Dieu est capable de donner. Ce soir, au-delà de ce qu'il peut te donner, il veut se révéler à toi. Oui, tu as été à l'église. Oui, tu vas aux prières. Oui, tu chantes à l'église. Mais connais-tu le Seigneur Jésus? Connais-tu le Dieu de la Bible? Constatez que pendant la louange, tout le monde est venu louer. Parce que tous ceux qui respirent peuvent louer Dieu. Mais une fois qu'il faut adorer, seuls ceux qui le connaissent et le connaître est la seule garantie de recevoir la vie éternelle. La Bible déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et véritable Dieu. Il y a des hommes et des femmes ici ce soir qui sont liés par le péché, liés par le diable, liés par toutes sortes de choses. Ce soir, Dieu m'a envoyé te dire, il te connaît et lui est venu ce soir pour que désormais toi aussi tu le connaisses et que tu sois sauvé par lui. Je ne sais pas à qui je suis venu parler. Peut-être je suis venu parler seulement à une personne. Tu sais que tu es loin de Dieu. Tu suis les chants chrétiens, c'est vrai. Tu es là ce soir, c'est vrai. Mais quand tu analyses ta vie, tu constates que tu es loin de Dieu et tu as envie de dire à Dieu, je veux te connaître, révèle-toi à moi. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Puisque c'était impossible à l'homme d'aller vers Dieu, Dieu a décidé de quitter le ciel et de venir vers l'homme afin de se révéler, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais prophète, qu'est-ce que tu me dis ce soir? Je suis en train de te dire qu'au-delà de tes prières, je viens te présenter Jésus. Au-delà du mariage que tu recherches, je viens te présenter Jésus. Au-delà du travail que tu recherches, je viens te présenter Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps Satan t'a trompé, mais ce soir, Jésus est venu pour toi. Ne me dis pas, prophète, moi je vais déjà à l'église. Même les sorciers vont à l'église. Nos églises, il y a des sorciers qui viennent aussi. Parce que l'église accueille tout le monde. Mais ceux qui sont sauvés, c'est seulement ceux qui ont laissé Jésus entrer dans leur cœur. Ce soir, Dieu m'a demandé de venir te chercher. Le fils prodigue vivait à la maison avec son père. Mais il ne connaissait pas son père. Il a dit, papa, donne-moi les richesses que je parte. Le problème de Dieu n'était pas les richesses qu'il a demandé, parce que la Bible déclare que le père a donné les richesses à tous ses deux fils. Mais la différence entre l'un et l'autre, c'est quoi? C'est que l'un est resté dans la maison, l'autre est parti de la maison. Le problème, c'est pas la prière que tu fais. Le problème, c'est pas le mariage que tu demandes. Mais pourquoi lorsque Dieu te bénit, pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Lorsqu'il s'est éloigné de son père, la Bible déclare qu'il a tout perdu. Il ne connaissait pas son père parce qu'il ne savait pas que loin de son père, on finit par perdre tout ce que l'on a. Il ne connaissait pas son père parce qu'il ne savait pas que loin de Dieu, on finit par perdre tout ce que l'on possède. Mais la Bible déclare qu'un jour, alors qu'il souffrait, il a dit, mais non, même dans la maison de mon père, les serviteurs ne souffrent pas comme ça. La Bible déclare qu'il rentra en lui-même. Et il se dit en lui-même, la transformation commence lorsque tu rentres en toi-même et que tu te dis à toi-même ce que personne ne peut te dire. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché. Je lui dirai, traite-moi comme ton serviteur. Mais lisez vos Bibles. Quand il arrive devant le Père, déjà la Bible déclare que le Père l'a vu venir. Si le Père l'a vu venir, ça veut dire que depuis qu'il était parti, le Père était resté dehors en train de l'attendre. Le Père l'attendait. Et quand il arrive devant le Père, il commence à dire les choses qu'il avait répétées. Il dit, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi. Lisez vos Bibles. Le Père ne lui a pas laissé dire, traite-moi comme ton serviteur. Parce que tu n'es pas un serviteur. Dieu ne te traitera jamais comme un serviteur. Ce soir, Dieu m'a envoyé chercher un fils prodigue. Je pouvais te prêcher beaucoup de choses ce soir. Mais Dieu m'a dit, Ézéchiel, j'ai mon fils prodigue là-bas. Je veux que tu ailles lui dire que je l'aime. Et je veux qu'il rentre à la maison. Que je me révèle moi-même à lui. Je lance un appel ce soir. Le premier appel que je lance ce soir, c'est si tu es en ce lieu. Tu es loin de Dieu. Tu sens que ta vie est loin de Dieu. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, c'est vrai. Tu pries, c'est vrai. Tu es même allé dans des retraites, c'est vrai. Mais quand tu analyses ta vie, tu sais que tu es loin de Dieu. Quitte de là où tu es. Viens ici devant. N'attends pas le voisin, n'attends pas la voisine. Viens, sois rapide. Viens. Caribia. Acclamez le Seigneur. Chapecoffi viens. Caribia, tu sais que tu es loin de Dieu. Tu sais que tu es loin de Dieu. Tu sais que ta vie est loin de Dieu. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je décide de revenir vers toi. Je décide de retourner à toi. Déplace-toi. N'aie pas honte du voisin. N'aie pas honte de la voisine. Quitte de là où tu es, viens. C'est pour toi que Jésus m'a envoyé. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Un jour, il y a un évangéliste qui prêchait comme je prêche ce soir. Et pendant qu'il prêchait, il a fait l'appel que j'ai fait. Et une sœur était avec son fiancé. Elle a voulu se lever pour aller répondre à l'appel. Son fiancé l'a retenu. Il a dit, bon, toi, tu me feras. Reste là. Ne te lève pas. Elle était touchée par le message. Elle a voulu se lever. Son fiancé l'a dit, toi. Tout le monde sait que je suis venu avec toi. Reste là. Et elle est restée. Le culte est fini. Ils sont entrés dans le véhicule. Et en partant, ils ont fait un accident. La fille est morte. Le garçon, lui, il est resté vivant. Celui qui la retenait est resté vivant. Parce qu'elle, elle ne savait pas que lui, ce n'était pas encore sa dernière chance. Mais elle, c'était sa dernière chance. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas ce qui essaye de te retenir ce soir. Même si tu es parmi des ouvriers, mais tu sais que cet appel, c'est à toi que je parle. Quitte de là où tu es et cours ici devant. Je ne sais pas quelle est la voix qui essaie de te dire, c'est pas à toi que le prophète parle. C'est à toi que je parle. La Bible déclare, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ce jour-là, au jugement dernier, tu ne diras pas à Dieu, c'est parce que j'ai eu honte de François. J'ai eu honte de François. J'ai eu honte de Blandine. Enlève la honte. Même si tu es derrière, tu es venu avec ta moto. Mais ce message, tu sens que tu es touché. Et tu veux revenir vers Jésus. Quitte de là où tu es. Je te donne encore 10 secondes. Après 10 secondes, j'arrête mon appel. Je compte 10. 9. 8. 7. Viens. 6. 5. Viens, c'est toi que j'attends. Viens, c'est toi que j'attends. 4. 3. C'est toi que j'attends. Cours, cours. C'est pour toi que Jésus m'a envoyé. Cours. C'est pour ça que je suis né. Viens, viens. 2. 1. Cours dans la dernière seconde. Viens. 0. Acclame le Seigneur Jésus. Le deuxième appel que je lance, qui vont se rajouter à ceux qui sont ici. Tu es ici, mais tu sais que tu es devenu loin de Dieu. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais quand tu analyses ta vie, ça ne ressemble pas à la vie d'un chrétien. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et ce soir, tu veux restaurer ta relation avec Dieu. Toi aussi, je t'appelle. Juste 10 secondes, cours ici. Toi aussi, je t'appelle. Tu es chrétien, mais tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu es serviteur même de Dieu, mais tu sens que tu t'es éloigné de Dieu. Rejoins-nous, rejoins-nous. Juste 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, 5, 4, cours, cours, cours, cours, 3, cours, cours, cours, cours, 2, cours, cours, cours, cours, Caribia. Tu es ici, tu sens que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as rétrogradé. Tu étais zélé. Mais Satan a détruit ton zèle. Toi aussi, je t'appelle. Viens, viens, viens, viens. 1 et 0. De partout où vous êtes, vous allez vous agenouiller avec moi. Vous allez vous agenouiller avec moi. De partout où vous êtes, vous allez vous agenouiller avec moi. De partout où vous êtes, le pasteur Désiré fera cette prière. Et vous allez juste répéter les phrases et les mots qu'il vous donnera. Faites de ces mots et de ces phrases vos propres paroles. Il va prier pour la première catégorie de personnes. Ceux qui sont venus pour donner leur vie à Jésus. Répétez ces paroles et ces phrases avec tout votre cœur. Je vais le faire en swahili, nous allons prier ensemble. Sema pamoja na mie, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mina penda ni kujue. Aina vile bantu bananyambia. Vile wewe peke utanyambia. Minakusikia mangaribi ya leo. Minabeba decision. Minafungula roho yangu. Ingia mu maisha yangu. Kwanza leo. Nikuye mtoto yako. Ukuye mfalme na mokozi wangu. Maisha yangu ikuye yako. Ingia ndani ya maisha yangu. Nitembee na we. Niishi na we. Ujirevele tena kabisa. Asante mangaribi ya leo. Ya kufanya mina kuya mtoto yako. Naomba. Mujina la Yesu. Je vais prier pour la deuxième catégorie. Tu es ici, mais tu t'étais éloigné de Dieu. Je veux juste que tu places une main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que tout ce qui les avait attirés loin de toi soit brisé au nom de Jésus. Que toute chaîne de perdition qui était en train de les ramener dans le monde, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la relation qui avait été brisée avec toi soit restaurée à partir d'aujourd'hui. Que la vie de prière qui avait été détruite soit restaurée au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que des flammes de l'esprit recommencent encore à brûler au-dedans d'eux. Que le zèle pour ton service soit restauré à l'intérieur d'eux. Que la grâce de Dieu soit restaurée à l'intérieur d'eux. Que la vie de Dieu soit restaurée à l'intérieur d'eux. Au nom de Jésus, esprit impur, toi qui avais influencé leur vie, je te chasse définitivement. Va-t'en loin d'eux. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Suivez les protocoles. Tous qui avaient pris la décision ce soir de donner votre vie à Jésus, suivez le protocole qui est de ce côté-là. Suivez-le, s'il vous plaît. Ils ne vont pas vous prendre beaucoup de minutes. Si vous devez aller prendre vos affaires, prenez vos affaires que vous avez laissées sur la chaise. Suivez le protocole. Tu dois prendre tes affaires, tu prends. Et tu suis le protocole. Juste 5 minutes. Ils vont s'entretenir avec vous. Dis au voisin demain. Bouge le voisin, dis-lui demain. Viens avec un malade. Viens avec ta foi. Le Seigneur va se révéler. Le Seigneur agira avec puissance. J'ai vu dans mon esprit des gens être remplis de l'Esprit de Dieu. Une huile fraîche tombait sur des hommes et des femmes. J'ai vu des malades être guéris en cascade. Je te libère parce qu'il est tard. C'est pour ça que je vais te libérer ce soir. Mais demain, ne viens pas seul. Nous aurons le temps de prophétiser. Nous aurons le temps d'opérer dans les miracles et les signes. Et la gloire de Dieu se répandra ici. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer encore? Tu n'avais pas pu camicono tu as Yesu. Est-ce que tu peux acclamer encore? Tu n'avais pas pu capter la micono. Nous vous donnons le programme. Tu n'as pas été à ma tengenezo. Demain nous commençons plus tôt. Déjà 14h30. Nous démarrons. Tunanja. Parce que demain, c'est une séance de prière. Kesho ni siku ya maombi. De délivrance, on va prier pour les malades. Ya ufungulifu na kuombea wagonjwa. Et Dieu va nous visiter. Naye Mungu atatutembelea. Déjà le matin à 8h30. Na asubuhi na saa 8h30. Nous sommes à l'église Source Féconde. Tunakia kanisa ya Source Féconde. Le pasteur Ezekiel va travailler. Pasteur Ezekiel atatumika. Et à 10h30 on termine. Na 10h30 tunamaliza. Au plus tard 11h. 11h. Pour nous permettre de nous préparer pour l'après-midi. Soyons là nombreux l'après-midi. Pour louer le Seigneur. Et pour lui donner assez de temps. Pour le travail. Mais toi qui n'as pas d'endroit où prier. Et toi qui as reçu le Seigneur ce soir. Nous donnons rendez-vous demain matin à l'église Source Féconde. Mais avant de partir, nous voulons louer le Seigneur avec le frère Alka. Nous voulons louer le Seigneur avec lui pendant quelques minutes. Avant de nous séparer. Ne soyez pas pressés. Donnez-nous encore 10 minutes. Et à 19h30. Nous pouvons maintenant arrêter et nous préparer pour demain. Demain, ça sera un très grand jour. Ne rate pas. Ne rate pas. Demain à 14h30. Et déjà le matin. Na asubuhi. Soyons dans nos églises. Nous serons prêts de vous accueillir. Déjà à 8h30. Na 8h30. Nous commençons, nous allons courir derrière le temps. Na tunaanza tofukuzia wakati. Mais vont donner aussi un peu de temps à l'homme de Dieu. Donc à 11h nous terminions. Et que nous puissions nous préparer pour le culte de l'après-midi. Nous laissons le temps. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Donc, on est à Kuchofa et puis Mambo na Fanini. Mambo na pika qui kelekele qui a bien. Yes. Pika qui kelekele qui a bien. Est-ce qu'il y a les cris de joie ce soir? Aïe. Aïe. Suga ki loko, suga ki loko. mama tu suga kilo suga kiloko on s'abaisse et on danse suga kiloko on s'abaisse et on danse suga kiloko on s'abaisse et on danse suga kiloko on s'abaisse et on danse suga kiloko on s'abaisse et on danse soki kutani na yeso kotika landenge mokote bato basala accident bayebi misusu batikala suga kiloko suga kiloko suga kiloko suga kiloko likasi tu suga kiloko suga kiloko pamama tu suga kiloko suga kiloko likasi tu suga kiloko suga kiloko pamama tu suga kiloko suga kiloko likasi tu suga kiloko suga kiloko suga kiloko suga kiloko soka kutani na yeso kotika landenge mowote bato basala accident bayebi misusu batikala soko tutani na yeso kotika landenge mogote tala bisaleli na yo ekosanse tomola tomola tomola tomola tomola tomola tomola tomola tomola tomola etamboleli na yo denge kolia denge kolata denge kotambola denge babonjour denge babonsoir denge baoui denga ba no denga ba oui denga ba no atandenga ko tombola yesu denga ko senga lugeto denga ko tombola yesu denga ko tombola papa denga ko kitana se denga ko tombola yesu denga ko senga lugeto denga ko tombola yesu denga ko tombola yesu denga ko tombola yesu denga ko kumi sanzambe denga ko yembela yesu. Oh, yes, we're Bokolo, Yatra Twitter. Aïe! Allez, tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola loin, tombola! Tombola! Tombola loin, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola loin, tombola! Tombola! Tombola loin, tombola! Tombola! Tombola loin, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola! Tombola Yasu, tombola! Tombola Yasu, tombola! Aïe! Alina Neboye, Rinda Sasa. Aïe! Yes, we are Siri Sibokono, ya 38 ans. Ringa, ringa, ringa. Aïe! Obine la ensemble wapi? Yes! Ay! Ay bo! Si! Aïe! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Aïe! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Sommet la poche! Thank you. est mort. Hey, Waba moye. Waba moye. Posa to simba motema na yo ya ya. Oh Yesu, posa go simba motema. Simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, simba motema, Simba motema Est-ce que c'est bon? Biko Dje, Kula Mukongo, Biko Butamu, Biko Butamu, Sema Yivikumbi, Ouna Sema Yivikumbi, 1, 2, 3, Butamu, c'est bon? 1, 2, 3, Butamu, Sema bien, 1, 2, 3, Butamu, Apa Mungu Majesha Nanyanyuliwa Munashigiaje, Butamu, Apa Baba Yetu Anapewa Sifu Munashigiaje, Butamu. Apa ba protocole ba nafala muzuri biko jemu na shikia jemu. Butamu. Ah. Ai, baba mamu na shikia je. Butamu. Apa Mungu anamwanga neema mu baba mamu na shikia je. Butamu. Na apa Mungu anamwanga neema mu baba babo tu na shikia je. Butamu. Eh eh eh. Mina sema shuka kilo. Shuka kilo. Ah! Mame! Ma! Mame! Ma! Mame! Ma! Mame! Mame, mo. Ai, so, mame. Pika ki kele kele. Mame. Ai bo. Mane, ma! Aïe! Tomara! Rendez-vous kesho. Kesho mwe na mie vendeze. We katu karte directeur mumufuko. We temba na karte directeur. We na mie kesho li vendeze. Mungu mibariki.